dans la place, C'est file dans la place, file moi ta place, file dans la place, tu sens dans la besace, tu kiffes ta race, mes titres qui t'abrassent, moi je kick et trace, ne kiffe pas les tapés, mon flow est cramé comme le bouton tapé, je ne suis pas armé, mais j'aime la ramener, je fous le bazar, mais je ne suis pas basané, et je ne dis pas ça pour t'alarmer, mais pour te montrer qu'il y a des fachos, il y a des fachos, donc on va les pécho, il y a un blême pro, donc je vais t'expliquer. Facho caché, au cachot vaché, Fox Arco assez, comme balai batché, comme quand t'es assis sur un balai brosse. Fuck la droite et la gauche, vu comment c'est hoche, ma droite est à gauche, et ma gauche maladroite, trop tellement maladroite. Qu'elle me doit, t'es mec, je dois te dire que ça m'éclate pas, comme les podcasts, mais on fait avec. Si tes potes pas, raisonne les mecs. Désolé pour les leçons dans mes textes, mais je voudrais pas niquer le fond pour de la tech. Écoute mes volumes pour piner sous la tech, et pousse le volume de la campagne à la tête. Quand je suis là, c'est le vaga, PHIL dans la place, les gars. Tant que je suis là, y'a des malades, y'a varin, que ça se passe par là. Quand je suis là, y'a de la joie, et je ne suis pas rabat-joie. Tant que je suis là, tu as la foi, même si des fois je suis maladroit. C'est pile dans la place, dans la place, dans la place, dans la place, qui fracasse, la tête qui agace, la tête qui s'amasse, si je me ramasse, me ramasse, qui se place, la tête qui tabasse, qui tabasse dans la place, dans la place, dans la place, dans la place, c'est le kick, écoute la basse, la ville efficace, un coup de fil, et puis trace, que je file et t'enfile. Si tu me casses, c'est pile dans la place, file dans la place. Fil qui fracasse, la tête qui agace, les textes qui s'amassent, Fox, si je me ramasse, fil qui se place, la tête qui tabasse, les filles dans la place, fil dans la place, pousse le kick, écoute la basse, fil efficace, un coup de fil et puis trace, où je file et t'enfile. Si tu me casses, si tu me castres, je joue les castro, vas-y mets ton casque ou tu pêches la gastro, ça tabasse trop, ça nique, ça rase trop, efficace et puis classe, même quand je me ramasse trop, on se marre trop et c'est le principal. PHI et la poêle, c'est les mêmes pas si mal, je t'emmène dans mon délire spatial, je te fais voyager alors que je reste assis. Tu connais le style. Des tonnes de tomes de smile, de tristesse et trucs qui font mal. C'est ça la life man, c'est ça le rap man. T'attends que les gimmicks, tu me prends pour Scatman. Tu crois même que j'imite Kanye West ou Redman. J'suis Red parfois et à l'ouest d'autres fois. Dans ce caca, appelle-moi Rap Batman. Viens dans mon film, je suis le caméraman. Est-ce que tu sais que Phil est parfois carrément mal? Carrément l'art, il ne sait que faire. Vivre tranquille ou vivre en galère. Heureusement qu'il y a les potes et leurs potes, ceux qui forcent les copes et les trop grosses connes, ceux qui se donnent, même quand ils donnent, qui te pardonnent si tu déconnes. Donc là tu décolles, pas besoin de picole, rien que tu rigoles, t'as des tripes de mon bol. C'est Phil qui te colle, Phil qui t'épaule, Phil qui te file des ailes que tu voles. Donc là tu décolles, pas besoin de picole, rien que tu rigoles, t'as des tripes de mon bol. C'est Phil qui te colle, Phil qui t'épaule, Phil qui te file des ailes que tu voles. C'est Phil dans la place, dans la place, dans la place, dans la place, qui fracasse, la tête qui agace, les textes qui s'amassent, si je me ramasse, me ramasse. Qui se place, la plaque qui tabasse, qui t'habille dans la place, dans la place, dans la place, dans la place, c'est le kick, écoute la basse, la ville efficace, un coup de fil et puis trace, que je file et t'enfile. Si tu me casses, c'est file dans la place, file dans la place, file qui fracasse, la tête qui agace, les textes qui s'amassent, Fox, si je me ramasse, file qui se place, la tête qui tabasse, les filles dans la place, file dans la place, pousse le kick, écoute la basse, file efficace, un coup de fil et puis trace, que je file et t'enfile. Si tu me casses, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas,